Nombre chapitre 27. Or les filles de Tselovka, fils d'Ephé, fils de Galaa, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent, et ce sont ici les noms de ses filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Et elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar, sacrificateur, devant les principaux et devant toute l'assemblée, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et dirent « Notre père est mort au désert, qui toutefois n'était point dans la troupe de ceux qui s'assemblèrent contre l'Éternel, savoir, dans l'assemblée de Corée, mais il est mort dans son péché, et il n'a point eu de fils. Pourquoi le nom de notre père, serait-il retranché de sa famille, parce qu'il n'a point de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Et Moïse rapporta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Les filles de Tselovka parlent sagement. Tu ne manqueras pas de leur donner un héritage à posséder parmi les frères de leur père, et tu leur feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël, et leur diras, « Quand quelqu'un mourra sans avoir des fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Que s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Et s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Que si son père n'a point de frère, vous donnerez son héritage à son parent, le plus proche de sa famille, et il le possédera. Et ceci sera, aux enfants d'Israël, une ordonnance selon laquelle ils devront juger, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse. L'Éternel dit aussi à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abiram, et regarde le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu le regarderas donc, et puis tu seras, toi aussi, recueilli vers tes peuples, comme Aaron, ton frère, y a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon commandement, au désert de Tsin, dans la dispute de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié au sujet des eaux devant eux, ce sont les eaux de la dispute de Kadès, au désert de Tsin. » Et Moïse parla à l'Éternel, en disant, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée quelqu'homme qui sorte et entre devant eux, et qui les fasse sortir et entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Alors l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, qui est un homme en qui est l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le présenteras devant Éléazar le sacrificateur, et devant toute l'assemblée, et tu l'instruiras en leur présence, et tu lui feras part de ton autorité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Et il se présentera devant Éléazar le sacrificateur, qui consultera pour lui par le jugement d'Urim devant l'Éternel, et à sa parole ils sortiront, et à sa parole ils entreront, lui et les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée. Moïse donc fit comme l'Éternel lui avait commandé, et prit Josué, et le présenta devant Éléazar le sacrificateur, et devant toute l'assemblée. Puis il posa ses mains sur lui, et l'instruisit, comme l'Éternel l'avait commandé par le moyen de Moïse.